just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you. Il y a des jours où j'aimerais reprendre ma vie à l'envers, comme on rembobine un enregistrement. C'est la mort ou la vie qui fait revenir en arrière le film. Marilyn, dernière séance. Écrit et adapté par Michel Schneider. Premier épisode. Remettre la bande à zéro. Recommencer toute l'histoire. Repasser la dernière séance de Marilyn. C'est toujours par la fin que les choses commencent. Août 2005. La ville sue. La pollution jette sur Los Angeles un voile rose et les rues prennent en plein midi un flou qui rappelle le sépia des vieux films. La ville immense est encore plus irréelle en 2005 que 40 ans auparavant. Plus métallique, plus nue. Un homme grand et voûté entre dans les locaux du Los Angeles Times. Il tient une liasse de papier jauni entre ses mains tremblantes. Il regarde partout autour de lui comme un homme égaré. Il s'appelle John Miner. Il désire rencontrer le journaliste Forger Backwright. Un vieil homme venu raconter une vieille histoire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Forger Backwright. Oui, c'est moi. Je suis John Miner. J'ai été chargé de l'enquête sur la mort de Marilyn Monroe en 1962. Enchanté. Ben, asseyez-vous, je vous en prie. Que puis-je pour vous ? Je lui ai apporté quelque chose. Miner explique qu'il vient proposer au journal la publication des transcriptions de bandes magnétiques que Marilyn Monroe avait adressées au docteur Ralph Grinson, son dernier psychanalyste. C'était peu de temps avant sa mort. Grinson était la dernière personne qui avait vu Marilyn vivante et la première qu'il avait trouvée morte. À mots voilés, on l'accusait de meurtre. C'était sa voix qu'avait entendue l'officier de police Jack Clemens, de veille au commissariat de West Los Angeles la nuit du 4 au 5 août 1962, lorsqu'un appel venant du quartier de Brentwood avait retenti à 4h25 du matin. Marilyn Monroe est morte d'une surdose. Quoi ? Marilyn Monroe est morte. Elle s'est suicidée. Après un deuxième gobelet d'eau glacée, Miner reprit son récit. Pendant longtemps, une question m'a hanté. Pourquoi Grinson avait-il parlé de suicide alors qu'il était convaincu que ce n'en était pas un ? La réponse est simple et j'ai mis des années à la trouver. Parce qu'il avait parlé de suicide au téléphone depuis la maison de la morte et qu'il savait toutes les pièces truffées de micros. Grinson n'était sans doute pas un assassin ni un complice. Mais pour des raisons qu'on ignore, il a peut-être aidé à faire croire à un suicide plutôt qu'à un meurtre. Mais qui a tué Marilyn, si ce n'est pas elle ? Ce n'est pas la question que je pose. Je ne me demande pas qui, je me demande qu'est-ce qui a tué Marilyn ? Le cinéma, la maladie mentale, la psychanalyse, l'argent, la politique. Tout se répète, docteur. Tout continue. Tout revient toujours en arrière. Remettre la bande à zéro. En août 1962, John Miner était l'adjoint du chef de service de médecine légale et il avait assisté à l'autopsie de Marilyn Monroe et au prélèvement de muqueuse de la bouche, du vagin et de l'anus. La principale conclusion du rapport des légistes était la présence dans le sang de l'actrice de 4,5% d'un barbiturique, le nambutal, dont on ne trouve pas trace d'injection ni d'ingestion orale. Le rapport se concluait par une phrase que Miner n'avait cessé de remâcher pendant toutes ces années. « Suicide probable ». Probable, en effet, si l'on s'en tenait à l'aspect psychologique des choses, pensait Miner depuis ce jour. Cela n'excluait pas que la star ait mis 36 ans à l'accomplir, ni qu'elle ait utilisé pour cela une main criminelle. Il cherchait d'autres expressions pour dire ce qui s'était passé. « A full play », un jeu à mort. Ou bien, comme avait dit le docteur Littman de l'équipe de prévention des suicides, « A gamble with death », un jeu avec la mort. 40 ans après, Miner restait taraudé par toutes ces questions sans réponse. Et surtout, que s'était-il passé pendant ces 30 derniers mois où Grinson et Marilyn avaient été pris dans la folie passionnelle d'une psychanalyse sortie de ses limites? Le 8 août 1962, 3 jours après la mort de Marilyn, Miner avait appelé le psychiatre. Il prit rendez-vous à 17h après les obsèques dans sa villa de Santa Monica. Dans la touffeur moite de l'été californien, Miner avait vu un homme bouleversé, mal rasé, qui s'exprimait librement, comme avec un interlocuteur de confiance. Le psychanalyste le pria de s'asseoir et, sans préambule, lui fit entendre un enregistrement de 40 minutes. Hier, j'ai longtemps regardé mon image dans le grand miroir en pied de ma salle. Marilyn parlait, sa voix sur la bande, rien d'autre. J'étais coiffée et maquillée. Pas trace de quelqu'un qui l'écouterait ou d'un quelconque dialogue. Qu'est-ce que j'ai vu ? Elle et uniquement elle. Sa voix posée comme au bord des mots, pas fragile, juste discrète. Cette voix venait d'ailleurs qui pénétrait en vous avec la même présence que certaines voix entendues en rêve. Et comme il doit être. Elle avait acheté un magnétophone quelques semaines plus tôt pour transmettre à son analyste une parole libre, saisie hors des séances. Genou. Rien à dire. Et mes pieds ne sont pas trop grands. Ok, Marilyn. Tu as tout ce qu'il faut. Pardonnez-moi, mais... Maintenant... Qu'était-elle pour vous, une simple patiente? Qu'étiez-vous pour elle? Avec un homme, sans doute. Et ça fait moins mal aussi. Elle était devenue... mon enfant. Ma douleur. Ce n'est que le corps. Ma sœur. Ma déraison. Ce n'est qu'un regard qui vous prend en passant. Qu'est-ce qui l'a tuée? Just a feeling. What he said and what she said and what he felt and she felt and usually be sad. À l'extrême fin de sa vie, le docteur Grinson se souvenait encore de ce jour de janvier 1960, où Marilyn Monroe l'avait fait venir en urgence à son chevet, au Beverly Hills Hotel à Hollywood. La psychanalyse était depuis quelques années le recours obligé de l'actrice pour tenir lors de chaque tournage. Comme elle n'avait pas d'analyste attitré à Hollywood, elle avait appelé la psychiatre qui la suivait à New York depuis quelques années. Marianne Criss l'avait adressée au docteur Grinson en le prévenant. Miss Monroe est une femme en désarroi total. Menacée d'autodestruction par son abus de drogue et de médicaments. Sous une anxiété paroxystique, elle révèle une personnalité fragile. Je ne peux plus, docteur. Se chargerait-il de ce cas difficile? Je suis à peine debout. La réponse fut oui. Au commencement, nous nous regardions comme des animaux si dissemblables qu'ils se tourneraient vite le dos, constatant qu'ils n'ont rien à faire ensemble. J'y arrive pas. Elle, si belle, moi, plutôt ingrat. La blonde vaporeuse et le docteur des noirceurs. Quel couple! Aujourd'hui, je me rends compte que ce n'était qu'une apparence. J'étais une bête de scène. Depuis longtemps? Je me servais de la psychanalyse pour satisfaire mon besoin de plaire. Et elle, une intellectuelle qui se protégeait de la souffrance de pensée par une voix d'enfant et une bêtise affichée. J'ai besoin de ces médicaments, docteur. Norma Jean et Ralph. J'ai toujours été insomniaque. Tout opposait la fille pauvre et sans diplôme de Los Angeles et l'intellectuel aisé de la côte Est. Lui, bourgeois éduqué dans les livres, elle, fille de prolétaire élevée parmi les images. Pourtant, ils se reconnurent au premier instant, comme deux amis perdus de longue date. Remettre la bande à zéro. Leur rencontre fut celle de deux étrangers qui, plus que des affinités, se découvrent des pulsions semblables et qui ne sont liées que par le malentendu. La rencontre de Romeo Grinspoon, devenu Ralph Grinson, et de Norma Jean Baker, alias Marilyn Monroe, ne pouvait avoir lieu qu'à Hollywood. Deux personnes aussi dissemblables, deux histoires aussi folles, ne devaient se croiser que dans Tinseltown, la ville des spots, des paillettes, des guirlandes, autour des studios aux plateaux suréclairés où les acteurs exposaient la pénombre de leurs âmes. Los Angeles, la cité des anges, était devenue la fabrique des rêves. C'est là que la psychanalyse et le cinéma vécurent leur liaison fatale. Des psychanalystes tentaient d'interpréter les films. Des cinéastes mettaient en scène des thérapeutes face à l'inconscient. Des acteurs venaient chercher qui ils étaient au fond d'eux-mêmes, sous les rôles. Riches, vulnérables, névrosés, insécurisés, les uns et les autres étaient malades et se soignaient à forte dose de cure par la parole. Quand il prit Marilyn en thérapie, Grinson était devenu la vedette de l'inconscient freudien, made in Hollywood. Il était la star des psychanalystes et le psychanalyste des stars. Il avait soigné Vicente Minnelli, Tony Curtis, Peter Lorre, Vivien Leigh, Frank Sinatra. Aujourd'hui, on a peine à imaginer ce que furent les noces de la psychanalyse et du cinéma dans les grandes années. Noces de pensée et d'artifice, d'argent toujours, de gloire souvent, de sang parfois. Les gens des images et les gens des mots avaient fait alliance pour le meilleur et pour le pire. La rencontre de Roméo et de Marilyn fut à l'image de celle de la psychanalyse et du cinéma. Chacun allait partager la folie de l'autre. Remettre la bande à zéro. Grinson se souvient. Marilyn était arrivée à Los Angeles accompagnée de son mari, l'écrivain Arthur Miller, pour le tournage de Let's Make Love, le milliardaire, sous la direction de George Cukor et avec Yves Montand comme partenaire. L'entretien eut lieu au Beverly Hills Hotel. Pour des raisons de discrétion et à cause de l'état physique de l'actrice, il se déroula dans le bungalow qu'elle occupait. Le bungalow voisin était celui d'Yves Montand et Simone Signoret. Le premier contact fut bref. Les nuits sont longues. Elles n'en finissent pas. Nous essaierons de voir ça ensemble. Le mieux serait que nous puissions nous revoir rapidement. Ah oui, merci. Merci beaucoup. Mon cabinet n'est pas loin d'ici. 436 North Rockberry Drive, à côté de Bedford Drive. Je vous attends lundi prochain, 18h, ça vous va? Oui, je partirai plus vite des studios, j'annulerai ma séance d'essayage. Très bien. Au revoir, à lundi. Oui, au revoir. Au revoir, docteur. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Pour sa première séance, Marilyn arriva avec une demi-heure de retard après une journée de tournage laborieux. Le docteur Grinson remarqua Bonjour. Qu'elle portait un pantalon ample. Vous êtes en retard, lança-t-il. Je suis en retard parce que je suis en Joueur d'échecs, il aimait les ouvertures qui déséquilibrent l'adversaire. La première séance, pensa l'analyste, il faut toujours la prendre comme la dernière séance. Tout ce qui sera important par la suite s'y trouve déjà dit, même si c'est parfois entre les mots. Depuis le début du tournage, George Cukor a comptabilisé 39 heures de perdu pour la production. Je suis toujours en retard. Les gens s'imaginent que c'est par arrogance. C'est exactement le contraire. Je connais des tas de gens qui sont parfaitement capables d'être à l'heure. Mais c'est pour ne rien faire, sinon rester assis à se raconter leur vie ou toutes sortes de conneries. C'est ça que vous attendez ? Grinson avait déjà soigné des actrices folles, mais il fut frappé par la manière de parler inarticulée, terne et sans affect de Marilyn. Elle disait sans douleur des choses douloureuses. Elle avait dû se bourrer de calmants, car elle réagissait peu. Vaut mieux pas. Elle semblait lointaine, ne comprenait pas le plus simple trait d'esprit et tenait des propos incohérents. Je vous propose plutôt une thérapie face à face. Face à face ? Il faut être modeste. Nous ne visons pas des changements profonds, puisque vous allez bientôt repartir pour New York, retrouver votre mari et reprendre votre cure là-bas. Modeste ? Mais c'est pas un reproche. C'est un objectif que je me fixe à moi-même. Comme vous voudrez. Je vous dirai ce que je peux. Comment mettre en mots ce qui vous engloutit ? Pour commencer, parlons de ce film que vous tournez. Le milliardaire. Je hais ce film. Et ce rôle aussi. Et tous ces gens. Tenez, Paula Strasberg, par exemple. Je vois bien, elle s'occupe plus de moi. Elle préfère Suzanne, sa fille. Et George Cukor. Celui-là, c'est pas qu'il aime pas les femmes, on couche avec qui on veut, c'est qu'il les hait. D'ailleurs, il est incapable de poser sa caméra sur une femme en essayant de saisir ce qu'elle pense ou désire. Non, non. Il attend qu'elle tombe, que le rimmel, le maquillage et les larmes se fondent en une pâte dégoûtante. Ah. On se figure être quelqu'un d'original, il m'a dit avec son ton doucereux. On croit que tout est singulier et différent en nous, mais c'est incroyable à quel point on est l'écho des autres, de sa famille et de la façon dont l'enfance nous a donné forme et contour. Forme et contour, tu parles, ce vieux pédé. Qu'est-ce qu'il connaît de ce corps où il me faut vivre ? Bien, passons à autre chose. Vous m'avez dit quand nous nous sommes vus la semaine dernière que... Le psychanalyste découvrit que Marilyn était sous l'emprise de diverses drogues qu'elle s'administrait le plus souvent par intraveineuse. Pour justifier sa consommation de neuroleptiques, elle fit état de son insomnie chronique. Elle révéla qu'elle changeait de médecin fréquemment, consultant les uns à l'insu des autres. Je sais que c'est un antidépresseur. Elle montra des connaissances ahurissantes en psychopharmacologie. Grinson découvrit qu'elle prenait régulièrement du démérol, analgésique narcotique analogue à la morphine, du pentotal de sodium, dépresseur du système nerveux utilisé aussi en anesthésie, du phénobarbital, un barbiturique, et enfin de l'amital, autre barbiturique. Et on vous prescrit tout ça ? Bien. Il serait préférable que dorénavant vous ne soyez suivi que par un seul médecin. Connaissez-vous le docteur Engelberg ? Non. Vous êtes tous les deux des personnalités narcissiques et je pense que vous allez vous entendre. Il faudra aussi arrêter enfin, le démérol. Enfin, il lui recommanda de ne plus prendre de médicaments par voie intraveineuse et de renoncer au démérol aux conséquences catastrophiques en cas d'abus. Laissez-moi faire. Je vous dirai ce dont vous avez besoin. Décidément... Ce médecin la déroutait. Il l'écoutait, mais résistait à sa demande d'être calmé, chéri, rempli. Ils se séparèrent. Le soir, rentrée chez elle, Marilyn repensa à cet homme calme qu'il avait examiné avec une certaine froideur. Sous le défi, ses yeux masquaient une douceur fatale. Ah. C'est étrange tout de même. C'est étrange tout de même. Étrange qu'il ne m'ait pas proposé de m'allonger. Étrange qu'il ne m'ait pas proposé de m'allonger. Ça m'étonne toujours qu'un homme ne veuille pas voir à l'horizontale. Voir mon cul quand je lui tourne le dos. C'est mieux comme ça. Il a peut-être peur de moi, de lui. Moi, j'ai peur, mais pas de lui. En fait, elle n'aimait pas qu'on lui demande de s'allonger. Elle avait peur de la nuit, peur de la commencer, peur qu'elle ne finisse jamais. L'amour, souvent, elle le faisait debout, en plein jour. C'était Marilyn Dernière Séance, écrit et adapté par Michel Schneider. Premier épisode. Avec Clotilde Morgiev, Marilyn Monroe, Georges Kless, Ralph Grinson, Mohamed Rouabi, le narrateur, Johanna Nizar, la narratrice, Bernard Vavert, John Miner, Laurent Lederer, Folger Backwright, Roland Timsit, le sergent Jack Clemons. Et avec Alexandre Aubry, Claire Boger, Brice Berrier, Anne Carr, Patrick Fontana, Frédéric Lebray, Christophe Gauzeran, Marie-Anne Mestre, Florent Houlier, Sandra Velluccia. I can hear my lover call, come to me. I lost my love. Bruitage, Patrick Martinache. Recherche d'archives, Julie Amint. Prise de son, montage, mixage, Claude Niort, Sylvain D'Angoise. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Juliette Eman. Marilyn Dernière Séance de Michel Schneider est publiée aux éditions Grasset.